Le mardi 14 février, ici Dominique Lelièvre et les informations. Et c'est confirmé, la Ville de Québec a bel et bien connu en 2016 sa meilleure année touristique depuis les 400 ans de Québec en 2008. L'industrie touristique a connu sa plus forte croissance des dernières années avec une hausse de 6,8% de l'indice global d'achalandage. Les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, des attraits touristiques et des boutiques ont tous connu une augmentation significative de leur achalandage, une situation favorisée par la faiblesse du dollar canadien, mais aussi par l'attrait grandissant que possède la Ville de Québec. L'Office du tourisme souligne que la prochaine année, 2017, devrait poursuivre avec la même tendance, notamment au niveau de la saison des croisières qui s'annonce particulièrement foisonnante. Le premier ministre Philippe Couillard se réjouit du volte-face de Charles Taylor. Dans une lettre ouverte publiée ce matin, le co-président de la commission Bouchard-Taylor dit qu'il ne croit plus à l'interdiction des signes religieux pour les employés de l'État en position d'autorité. Le philosophe estime que le contexte social a changé depuis 10 ans et que des débats comme celui de la Charte des valeurs québécoises ont eu pour effet de stigmatiser certaines communautés immigrantes, ce qu'il veut éviter à l'avenir. Le premier ministre du Québec estime qu'il a désormais les coudées franches pour faire adopter sa loi sur la neutralité religieuse, qui se rapproche énormément de la nouvelle position de Charles Taylor, qui interdit notamment le visage couvert dans les services publics. M. Couillard a rappelé qu'il a toujours été opposé à la discrimination vestimentaire. La rue de la Belle Angélique, qui a été baptisée ainsi dans la dernière année dans le secteur de Charlebourg, s'est vue remettre aujourd'hui par la commission de toponymie un prix coup de cœur. Cette rue a été sélectionnée parmi les quelques 1600 lieux qui ont changé de nom au Québec en 2016. La rue de la Belle Angélique se retrouve ainsi sur la courte liste des 12 lieux coup de cœur de l'organisme qui procède chaque année à ce genre d'exercice. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. C'est généralement nuageux aujourd'hui à Québec. Le mercure va grimper jusqu'à moins 7 cet après-midi. De la neige va débuter la nuit prochaine et ça va se poursuivre demain matin, mercredi. Accumulation prévue de 5 à 10 cm demain et des vents du nord-est de 30 km/h avec rafales à 50 qui pourraient causer de la poudrerie. Jeudi, c'est le retour du soleil, il fera moins 4. Et puis le mercure grimpe comme ça. Vendredi, on annonce moins 2 et samedi, moins 3.